Le porte-parole du Comité coréen pour la paix de l'Asie-Pacifique a publié le 1er mars une communication à propos des menées de confrontation contre notre République qui s'avèrent de plus en plus insensées des autorités sud-coréennes face à la réussite complète de notre lancement d'essais de longue balistique stratégique à longue et moyenne portée sol-sol Bukusong 2. Il indique notamment « Au début de notre dernier lancement, les autorités sud-coréennes s'affairaient comme si un de ces éclats était tombé devant la cour de la Maison Bleue, mais ces derniers jours, elles prétendent que c'est une sérieuse provocation intolérable et une menace impardonnable pour la sécurité régionale, et crient presque tous les jours qu'il faut exercer la sanction et la pression plus dures à notre pays. Au propos insolite de la nouvelle administration américaine, qui a prétendu que le premier intérêt de la politique de Washington est le problème nucléaire du Nord, et qu'elle va manifester une puissante réaction militaire, les autorités sud-coréennes ont profité de cette occasion pour publier bruyamment de livrer de façon sans précédent dans l'histoire les exercices militaires Kill Resolve et Aigle avec les États-Unis. En réalité, les démarches dangereuses ont lieu. Expédition au port de Busan du navire de poursuite des missiles de la marine américaine Howard Lorenzen, doté de lasers X-Band et S-Band, et disposition en toute hâte en Corée du Sud et dans les eaux de ses environs de toutes sortes de moyens de reconnaissance et de surveillance visant la première frappe nucléaire contre notre République. Toutes nos mesures militaires prises dans nos territoires, eaux et espaces aériens sont l'exercice de la souveraineté autodéfensive juste effectuée face au chantage nucléaire, menace et menée d'isolement et de suppression contre notre République de nature banditiste des États-Unis et de leurs alliés. Le lancement d'essais de l'engin balistique à longue et moyenne portée sol-sol, que nous avons effectué le 12 février dernier aussi, n'a nullement violé l'ordre maritime international et n'a point influencé l'environnement écologique, sans parler de la sécurité des États voisins dans notre territoire, nos espaces aériens et nos eaux territoriales. Aucun pays ne peut donc le mettre en cause. Au contraire, la vraie provocation et la vraie menace contre nous, c'est le lancement de Minuteman 3, missile balistique intercontinental que les États-Unis avaient livré ciblant notre pays en prétendant ouvertement qu'ils peuvent nous frapper en 30 minutes. Considérer légitimes et correctes toutes leurs œuvres et étiqueter les nôtres comme illégitimes et injustes est un sophisme banditiste contrevenant à l'équité internationale et au principe de la justice. Quant à la nouvelle administration américaine, elle ne doit pas se conduire de façon honteuse tout en s'intéressant vainement à la mesure normale de renforcement de la capacité autodéfensive de l'État souverain qui a lieu loin au-delà de l'océan, ce qui ne se conforme d'ailleurs pas à la position de la superpuissance. Elle doit plutôt faire un choix sage à faire les nouveaux pas, sans suivre l'exemple malheureux de sa précédente. Tant que les États-Unis et la Corée du Sud livrent les exercices militaires sous couvert annuel juste devant notre porte et n'abandonnent pas l'ambition expansionniste, nous développerons invariablement la capacité autodéfensive et celle de la première frappe autour des armements nucléaires. Les chiens aboient, la caravane passe. À l'avenir aussi, nous continuerons de consentir les efforts justes et responsables pour défendre la souveraineté du pays, le droit à l'existence de la nation, ainsi que la paix dans la péninsule coréenne et la sécurité de la région.